Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant et sourd, je perds la raison à chercher tes bras brûlants de passion. Viens embrasse-moi de tes grands yeux noirs.